بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. Celui qui propage des aqwal mukhalifa li hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yajib, c'est une obligation, an yubayyin khata'uhu 'alaniya. S'il a propagé en public, on est obligé de répliquer en public. Et fi al-haqiqa ça ne fait aucun mal. Lanna si c'est fondé sur l'ilm et c'est du haqq. Ya akhi, prends ce haqq, fais tawbat, alhamdulillah ta ala khayr. Et ceux qui t'ont suivi sont ala khayr. Amma c'est quoi qui gêne? Ce qui gêne, c'est l'erreur. Nahnou, ceux qui disent pourquoi vous répondez en public, nahnou répond pourquoi ils font des erreurs en public. Il n'y aurait pas d'erreur, de l'égarement, de l'ignorance, il n'y aurait pas de réplique. Alhamdulillah. Parmonir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالنصيحة se conseiller dans notre الدين c'est من أعظم الأمور. فلهذا جرير ابن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيعة شأنها عظيم. أي prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam ala mada ala iqam al-salat, faire la salat, accomplir la salat, wa ita' al-zaka, donner al-zaka, wa al-nusr li kulli muslim, al-nasiha, se conseiller. Qala al-imam al-allama Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa min a'zam al-nasiha lillah al-dhabu an al-din وتفنيد شبه المبطلين وشرح محاسن الدين الظاهرة والباطنة. فparmi les meilleures نصائح qu'on peut se faire, الذب عن دين الله, défendre, secourir هذا الدين الإسلام, وتفنيد شبه المبطلين, et répondre aux ambiguïtés des مبطلين, أهل الأهواء الجهال الكفرة الزنادق المنافقون. المسلم surtout celui qui a la قدرة la capacité, فيجب عليه, il démontre le حق, il met en garde, et ça c'est من باب النصيحة. كما في الحديث الآخر حديث تميم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة, قالوا لمن يا رسول الله, قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أعظم النصيحة الذب عن دين الله وتفنيد شبه المبطلين. Montre le haq, répondre aux ambiguïtés. Se taire, c'est pas une solution, أبدا. La solution, c'est le haq. فبيان أخطاء المخطئين وشبه أهل الشبه والضلال أهل الضلال سمن النصيحة. النصيحة ça fait partie de notre الدين. الدين النصيحة. ومن هؤلاء الذين خالفوا الحق في دعوتهم وفتن كثير من الناس بسبب شبهاتهم. Et parmi ces prêcheurs qui ont délaissé le haq et qui propagent des ambiguïtés, وللأسف beaucoup de personnes, surtout les jeunes, ils les suivent. المسمى في رشيد أبو حذيفة أصلح الله حالنا وحاله. فهذا الرجل il propage sur les réseaux sociaux, sur internet, il fait des cours, il fait des conférences, et il a des أقوال غريبة جدا. Ça montre أن الرجل il est جاهل, il n'a pas étudié العلم الشرعي عند أهله. لكن للأسف on est obligé de montrer et de répliquer ces aqwal, limadha li'anna, on est dans une époque où kathir min an-nas, ils font pas attention à leurs sources. Enfin, ils écoutent ces gens-là et ils pensent qu'ils sont à la haqq. Et le droit qu'ils ont sur nous, ha'oula al-masakin, qui ne savent pas, le droit qu'ils ont sur nous, c'est qu'on les conseille, qu'on montre le haqq. Radiya man radiya wa aba man aba. Nahnu, l'essentiel, c'est démontrer le haqq. Hada ad-din, hada al-ilm, c'est une amana. Et on n'a pas le droit de laisser nos frères se faire tromper. Kadalik, c'est une nasiha pour lui. Naam, lianna, on ne désespère pas la guidée de ha'oula abadan. Fa'in qala qa'il. Une personne, elle peut dire, limadha vous répliquez alaniya, ay, pourquoi vous répliquez en public? Pourquoi ça ne se fait pas entre vous? Ou, ba'duhum, rubbama, ils peuvent comprendre ou dire que ça fait partie de la médisance de parler sur un tel ou un tel. Hada, l'haqiqa, c'est un qawl, il n'est pas fondé sur l'ilm. Wa ta'ammal, wa sma' jayidan, kalam, ba'd al-a'imma qu'on va citer, pour répondre à cette ambiguïté. Et la mise en garde, ou la réplique, ou démontrer les erreurs, ça divise. Ou c'est de la médisance, ou c'est un manque de douceur. Qala al-imam Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, fi tafsiri, tahrimu al-ghayba bil-ijma' wa la yustathna min dhalik illa ma rujihat maslahatuhu. Ibn Kathir, il nous démontre anna al-ghayba, ay parler sur son frère muslim, c'est haram bil-ijma', c'est interdit. L'unanimité des savants ala hadha, li anna les textes, ils sont clairs. Wa la yustathna min dhalik, il n'y a pas d'exception, ay c'est haram. Sauf ma rujihat maslahatu, sauf s'il y a un profit pour les musulmans. Kama fil jahi wa ta'dil wa nasiha. L'imam Ibn Kathir est aussi deux exemples. Kama fil jahi wa ta'dil, ay la mise en garde ou l'éloge. Et hada, ça arrive hatta fi umur ad-dunya, que ce soit pour le mariage, pour le commerce. Ahyanan, tu as besoin de demander l'avis de ton frère sur telle personne. Est-ce que c'est une personne de confiance ou pas? Et si il connaît quelque chose, c'est wajib qui te démontre. Il te dit, fais attention. Ne te marie pas de cette famille parce qu'ils font telle et telle chose. Ça, c'est pas min bab al-ghayba fi shay. Bal samina al-nasiha. Et si on te conseille fi hada, fa anta, tu apprécies. Limadha, il y en a ton frère, il a voulu ton bien et il t'a démontré. Fa fi bab al-din wa fi bab al-aqida wa al-tawhid wa al-mu'taqad. C'est aham et avam de se conseiller. Wallahi, si ton frère il te conseillerait pas sur une chose qui peut te faire du mal dans ta dunya, rubama de la nourriture ou un moyen de transport ou quelque chose de futile, s'il te conseille pas, tu apprécieras pas ce mawqif de ton frère. Il n'a pas conseillé. Wal mu'minuna ikhwa wa ad-din an-nasiha. Fait que dire de celui qui se tait par rapport au dîn? Qala Ibn Kathir, wa an-nasiha ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lamma sta'dhana alayhi dhalika ar-rajul i'dhanu lah wa bi'sa akhu al-ashira wa ka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Fatimah bint Qais radiyallahu anha wa qad khatabaha Muawiya wa Abu al-Jahm. قال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك أي فقير وأما أبو الجهم فلا يضع عصا عن عاتقه. فاطمة بنت قيس elle voulait se marier et Muawiya l'a demandé en mariage. النبي صلى الله عليه وسلم il l'a conseillé, نصيحة, il lui a démontré أن معاوية il n'a pas d'argent. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث il a démontré الحق pour conseiller هذه المرأة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهذا النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. شيخ الإسلام montre que dans deux cas c'est permis de critiquer ولو si c'est ton frère في الإسلام بالإجماع, il n'y a aucune divergence entre savants. Et il cite le premier cas, أن يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع وَالْمُخَالَفَ لِلْسُنَّةِ. Si ce frère il fait apparaître al-fisq, ou le fujour, ou des bid'a, des innovations, ou il contredit la sunna du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam et propage, قال شيخ الإسلام فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة. Si il propage ce munkar devant les gens, en public, de nos jours, à travers les réseaux sociaux, à travers internet, à travers des audios, فوجب, c'est obligatoire الإنكار عليه. Pourquoi? Les Anna, on pense à tous les musulmans qui écoutent Ashar. On pense à tous nos frères musulmans qui écoutent des choses qui ne sont pas véridiques, qui ne sont pas fondées sur le kitab ou le sunnah. Enfin, pourquoi Allah al-Nas, il reproche à ceux qui font des répliques, si elles sont fondées sur l'ilm, bien sûr, il leur reproche, tu ne respectes pas le frère, ou t'es pas doux. Pourquoi vous ne pensez pas aux autres qui écoutent des milliers de personnes qui se trompent? Naam. Est-ce qu'ils n'ont pas un haq qu'on leur montre la vérité? Bien sûr, tout ça avec ilm, et tout ça avec hikmah, tout ça avec douceur. Lakin al-haqqo أحق بالاتباع. قال شيخ الإسلام فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui qui voit un منكر il doit le changer. Pourquoi? Pour préserver cette umma, pour préserver al-muslimin min al-shar. Al-an, on vit dans une époque où du'at al-dhalal wa al-shar wa al-jahl sont kathir. Et beaucoup de muslims, lil-asaf, ils ne savent pas comment discerner entre le haq et le batil. Surtout avec ces nouveaux moyens de communication avec internet, les réseaux sociaux et autres. Si tu ne fais pas attention et t'écoutes tout le monde sans aucun discernement, Rabbama, t'écoutes une personne même si elle veut le khayr, même si son but c'est de propager le haq. Lakin, elle n'a pas la capacité, elle se trompe et elle fait beaucoup de mal. Na'am, wa man ta'ammala, celui qui médite sur la biographie de nos imams, les imams de l'islam, as-salaf as-salih, ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont venus après eux jusqu'à nos jours, yajid anna a'immata al-islam kanu yuhadhiruna min ahli al-batil wal-jahl. Nusham lil umma, a'immatu al-islam, ils mettaient en garde. Et ils ont discerné le haq min al-batil. Hatta de nos jours, ce din, il nous est arrivé et il est safi, naqi. Et tu profites, anta, walillahi alhamd. Rawa al-Khatib, rahmatullah alayhi, fi tarikh Baghdad, an Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, qala ja'a Abu Turab, ila Abi, un homme qui s'appelle, sa cognée c'est Abu Turab, qala faja'ala Abi yaqul fulanun da'if, fulanun thiqah. L'imam Ahmed, imam, ahl al-sunna fi zamane. Et cet homme, il a entendu l'imam Ahmed dire « Fulan, il est daïf, Fulan, c'est un fiqa. » Et il discerne pour pas que l'erreur, elle rentre fi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dans ce din. Fahad al-rajul, Abu Turab, قال « Ya Sheikh, la tartab al-ulama. » Exactement la shubha qui est propagée de nos jours. Il a dit à l'imam Ahmed « Ne critique pas al-ulama. » C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Pourquoi vous critiquez les prêcheurs? Il fait du bien, il veut du bien. Esma' ila jawab, qui est fondé sur l'ilm. Qala al-imam Ahmed, rahmatullah alayhi, ayy ba'd an iltafata ilayhi, qala wayhak, hadhihi nasiha, laysa hadha ghaiba. Il a dit wayhak, ayy prends garde, ne parle pas bila ilm. Ce que je fais c'est une nasiha, c'est pour le muslimin. Est-ce que l'imam Ahmed, il parle, ou il a critiqué certaines personnes pour dunya? Amadan, il a délaissé dunya, rahmatullah alayhi. Enfin, il a critiqué certaines personnes pour ton bien, ayyuhal muslim, nushan lillah, wa li kitabihi, wa li rasoulihi, wa li a'immat al-muslimin, wa ammatihim. Faman nashara, celui qui propage des aqwal mukhalifa li hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam, yajib. C'est une obligation. An yubayyin khata'uh, alaniya. S'il a propagé en public, on est obligé de répliquer en public. Et fil haqiqa, ça ne lui fait aucun mal. L'anna, si c'est fondé sur l'ilm et c'est du haq, ya akhi, prends ce haq, fais tawba, et alhamdulillah ta'ala khayr. Et ceux qui t'ont suivi, ils seront à la khayr. Amma, c'est quoi qui gêne? Ce qui gêne, c'est l'erreur. Nahnu, ceux qui disent, pourquoi vous répondez en public? Nahnu, on répond, pourquoi ils font des erreurs en public? Il n'y aurait pas d'erreur ou de l'égarement, de l'ignorance, il n'y aurait pas de réplique. Walhamdulillah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى وأما إذا أظهر الرجل المنكر وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة. C'est ça موقف أئمة الإسلام. Si il propage الشر المنكر même si c'est par ignorance. يعني نحن هم pas dans le nia. Il est sincère, il est pas sincère, il voulait du bien. نحن on regarde les faits, les conséquences des paroles. C'est mauvais, ça fait du mal. On répond contre les choses mauvaises. Si ta niya allait bien, akhi, tu prétends avoir une bonne niya, fais tawba. Accepte. Et si dans la réplique il y a une erreur, une mukhalafa, démontre, akhi. Hakada nata'awun. Amma se taire, anisha, ça n'a jamais été une solution abdan. Wa man arada al-mazid, celui qui veut détailler plus ce sujet, anna, le fait de répliquer, c'est pas min al-ghayba, c'est pas haram. C'est pas critiquer son frère injustement. C'est pas de la médisance. فَلْيُرَاجِعْ رِسَالَةَ الْإِمَامِ Ibn Rajab al-Farqu بين النصيحة والتعيير. C'est une risale mufide jiddan. Et la différence entre النصيحة والتعيير est critiquer injustement, insulter, la médisance. La différence entre conseiller et ces choses mauvaises. Al-Imam Ibn Rajab, rahmatullah alayh, il a démontré هذا. وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ يقول رحمة الله عليه وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة صحيح أهل العلم أهل الإيمان أهل التقوى ceux qui démontrent aux gens qui font des efforts ففي الحقيقة ils ont العلم ils ont العدل ils sont justes et كذلك الرحمة والله ces ردود que tu entends qui sont faits par أهل العلم وطلبة العلم qui sont à la حق C'est min bab al-rahma pour ce mukhalif. Et wallah, il y en a plus, il y a des redoutes qui sont qawiyya, qui sont fondées sur l'ilm. Plus les gens ils vont le délaisser, plus c'est une rahma pour lui. S'il meurt ala hadha al-hal, il aura moins de suiveurs. Et la'allahu, il fait tawba, ça lui ouvre les yeux. Amma, est-ce que t'as aidé ton frère si tu te tais? Est-ce que t'as aidé ton frère si tu ne montres pas ce que tu sais? Qala shaykh al-islam, الحق الذي يكونون به موافقين للسنة السالمين من البدعة ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم كما قال تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Tout ça, bien sûr, نصيحة لنفسي ولإخواني avec ملازمة العدل والإنصاف Être juste. Ne pas rajouter, ne pas mentir. Ne pas insulter. Ne pas faire une chose à ce frère qui n'a pas dit. Haq, tu as dit telle chose, on veut ton bien. Al-Haq, c'est telle chose. Tu veux faire tawba. Alhamdulillah, tu ne fais pas de tawba. Fanahnu, falhaqiqa, on a fait al-wajib. Tambihum, avant de commencer à citer des moulahadat ala hadha ar-rajul annahu il a propagé un maqal annahu il montre pourquoi il a changé et ça awwalan ça démontre anna ar-rajul il sait qu'il a changé donc imma avant il était pas al haqq imma al-an il est pas al haqq lanna il y a eu un changement il haqq il est wahid fa qala dans ce maqal pourquoi j'ai changé et naqra ba'd al-jumal bi-ikhtisar يقول pourquoi j'ai changé ma méthodologie ma façon d'analyser les textes à travers les écoles juridiques et particulièrement l'école Malikite en insistant sur la contextualisation هكذا يقول اي الان il a changé لان il y a des choses pour lui elles n'étaient pas dans leur contexte donc il a changé sa façon d'analyser de comprendre ces textes نعم وهذا في الحقيقه ça revient à اهل العلم pas tout le monde qui analyse les textes et qui, comme il dit, la contextualisation. Là, cette notion, ça a une compréhension. L'aqida, c'est l'aqida. Al-wala, l'il-mu'minin, wal-bara, l'il-kafirin, ça ne change pas avec al-azmina, wal-amkina. Et les choses, al-mustajaddad, comme il y a dit, des choses nouvelles qu'il n'y avait pas à l'époque, fa-ahlul-ilm, hum ul-ladina, yandurun, fi al-adilla, et ils citent des fatawa par rapport à ces choses nouvelles. Thumma qal, Je rajouterai qu'il est important pour pour tout à chacun d'évoluer, mais l'essentiel c'est de bien évoluer. L'essentiel c'est de suivre le haqq. L'essentiel c'est de suivre le kitab ou la sunna ala fahm sahaba ou l'aim. C'est ça l'essentiel. Amma, al-an dans son kalam, ka'annahu, le fait de changer, il faut changer. Ça dépend. Ça dépend si c'est un changement ila al-khayr, na'am. Si c'est un changement ila al-sharf, c'est du sharf. Ce changement, il doit être fait par rapport au texte. Pas par rapport à ce qui se passe. Pas par rapport aux pressions. Là, celui qui n'a pas les épaules, fait un truc. Et il ne peut pas faire da'wa. Il lui met la pression, il ne peut pas dire ce qu'il veut. Personne ne t'a imposé de parler au-dessus de tes capacités. Amma dire batil, sous prétexte de contextualisation, délaisser le haqq, se rapprocher de l'a'da, de ahl al-batil, tout ça sous prétexte d'un changement, qala al-sahabi al-jalil, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, fa'alam, anna al-dhalalata, haqq al-dhalala, an ta'rif ma kunta tunkir, wa an tunkira ma kunta ta'rif, wa iyaka wa talawun fi dinillah, wa iyaka wa talawun, fa inna dinallah wahid. Ta'ammalu hadha al-athar. I'lam anna al-dhalala, haqq al-dhalala. Ay, faut que tu saches, akhi, anna l'égarement, haqq al-dhalala. Et l'égarement clair, c'est que ta'rif ma kunta tunkir. Tu reconnais, t'acceptes une chose que avant t'acceptais pas. Tout ça, bien sûr, fondé sur l'adil. Wa tunkir ma kunta ta'rif. Wa iyaka wa talawun. On doit faire attention à talawun. Changer ses positions fi dinillah sans aucune preuve. Fa inna dinallah wahid. Dinillah wahid. L'aqida, c'est l'aqida. Le fiqh, c'est le fiqh. Il y a des choses, bien sûr, comme on l'a expliqué, des choses nouvelles qu'il n'y avait pas à l'époque. Ça, c'est sha'n al-ulama. Et nous, on regarde, fatawa al-ulama, qui sont basés sur l'adillah, et alhamdulillah, na'khod ma stata'na min. Amma prétendre ce changement, vous allez voir que c'est un changement kabir. Aqwa al-khatira, des mawaqif, elles ne sont pas tayyibas du tout. Thumma prétendre qu'il y a eu une évolution. Évolution, bimada, bil-ilm. Appuie tout tes aqwal, toutes les choses qu'on va citer, bil-ilm. Et nous, on laisse à l'auditeur, de, après avoir écouté, inshallah ta'ala, al-mulahada, il verra, est-ce que ce changement, c'est un changement à la al-khayr, et il a évolué en bien, ou c'est un changement du champ, des concessions, fi dinillah, azza wa jal. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-tawfiq lil jami'a. Awalan, on cite des intiqadat alayhi ma yata'alak bil aqida wa khasatan al-wala wal-wa. Qala hadahullah. Donc le premier point des choses qui citent Allah, c'est un kalam khatir jiddan. C'est un kalam wa al-ajib anna hadha al-akh ces derniers temps, il appelle beaucoup à ne pas se précipiter. Il a fait une khutbah fi hadha, il fait des muhadarat, yatakallam, ne pas se précipiter, il faut prendre son temps. Il faut revenir aux savants, il faut étudier, il faut... Et هذا الكلام, il est fondé sur quoi ? Il est fondé sur le Coran, il est fondé sur Sunna. Il est fondé sur la précipitation, sur le manque de patience. فَمَثَلًا قَوْلُ délaisse-moi cette haine envers les musulmans. On a dit, et envers les non-musulmans ainsi, ou aussi. فَالْأَنْ il a fait une kalima. Pourquoi tant de haine ? Et il appelle à... il faut délaisser la haine envers les musulmans. Ça c'est kalima de haqq. Il ne faut pas avoir le bord envers son frère, bien sûr, avec des qoyoudes qu'on ne détaillera pas ici. Là, ce qui nous intéresse, c'est son kalam. Et envers les non-musulmans aussi. Est-ce que هذا الكلام الآن, il est mabni ala kitab Allah wa ala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam? هذا الكلام الآن, il est khatir. قال عز وجل, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآن, شباب, ils écoutent هذا الكلام. Des jeunes, beaucoup d'ajim qui ne maîtrisent pas la langue arabe, qu'ils n'ont pas étudié. Et ils te font confiance. Wa tes kalam, ba'd al-nas, ils ne prennent que ceux du haq. Fattaqillah. Amana, c'est une amana. Et al-wukuf bayna yadayillahi azza wa jal, c'est pas sahle, sauf pour celui à qui Allah est facilé. Fapèse tes mots. Et envers les non-musulmans aussi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأملوا هذه الآية. Et envers les non-musulmans aussi, et délaisse-moi cette haine. La haine qu'on a envers le kafara, c'est l'Allah Azza wa Jal. Tavon, on va la délaisser pour toi. Délaisse-moi cette haine. Nahnu, on dit délaisse-moi hadha al-jahl. Délaisse-moi al-qawl bil ilm wa al-tasaddur fi al-da'wa, alors que tu n'as pas les épaules, tu n'as pas l'ilm. Wallahi, nahnu, on dit ça, c'est min bab al-rahma. Yann al-akhsoum, il dit ne pas se précipiter et la rahma. Soyez ouverts, ar-rahma, ar-rahma bik, c'est que tu préserves ta langue. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tu auras des comptes à rendre, et on aura tous des comptes à rendre. Fattaqillah. Qala azza wa jalla qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Et on a tous un exemple, un bel exemple dans notre prophète Ibrahim, alayhi salam. Walladhina ma'ahu. Et les gens, كذلك, les croyants qui étaient avec lui. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur qawm ? إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ. On se désavoue de vous. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. لاحظوا أن في هذه الآية. Et ça c'est une فائدة نفيسة. ذكرها بعض أهل العلم. أن الله سبحانه وتعالى il a cité le bara'atu min al-kuffar avant le bara'atu min al-kuffar. لأن si tu te désavoues des kuffar, automatiquement tu te désavoueras du kufr qu'il a. Lakin tu peux te awad al-nas, il se désavoue, il prétend se désavouer du kufr, et quand c'est la personne, il te dit là, il faut être doux, il faut être miséricordieux, c'est des êtres humains. Qala azza wa jal inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bara'a min ha'ula al-akhyar. Est-ce que nous on n'a pas le droit de appliquer ça? Ben Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruna قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نحن notre exemple c'est Ibrahim. نحن notre espérance c'est qu'Allah soit satisfait de nous. Pas un tel ou un tel من الكفر. قال عز وجل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. Cette haine que t'appelles, qu'on la délaisse envers les non-musulmans, Allah سبحانه وتعالى il nous dit de suivre Ibrahim dans cette haine envers les kuffar. On va suivre qui l'un. Qala azza wa jal wabada baynana wabaynakum al-adawatu wal-baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ça nous montre anna al-adawa al-baghda qui est entre nous et le kafara. Cette haine qui est entre nous et le kafara, c'est jusqu'à qu'il rentre fi dinillah. Ça nous montre anna on les déteste pas parce que ils nous détestent. On les déteste pas parce qu'ils ont pris telle terre ou parce qu'ils font du mal. On les déteste parce que c'est des kafars. Donc tant que cette illa est maujouda, et cette chose, la cause, elle est présente, elle kufr, automatiquement le muslim il doit les détester. Délaisse-moi cette haine. Abadan. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala hadha al-mu'taqab. Qala al-imam ibn Jarir al-Tabari rahmatullah alayhi, fakadhalika antum ayyuha al-mu'minuna billah, fatabarra'u min a'da'illah min al-mushrikina bih, ولا تتخذوا منهم اولياء حتى يؤمنوا بالله وحده. كلام امام المفسرين. امام المفسرين ابن جرير الطبري. Et هنا اخذت ان dans cette réplique, dans ces intiqadat qu'on fait à ce frère, on citera que des imams من المتقدمين او من المالكيه. Tout ça pour montrer à ce frère. Et Inch'Allah, c'est une forme de rob lui-même. Tout ça pour montrer à son frère. Souvent, il dit il y en a certains jeunes, et ils visent Ahl-Sunnah, Salafiyyun. Certains jeunes, ils comprennent les textes eux-mêmes, ils ont délaissé la voix des grands imams. Wa yarmaz kathiran fi ulama al-ulama al-mu'asirin. Nahnu l'an, on te cite à Imma ibn Jarir. Il a compris le verset avec ce qu'on vient de citer. Fa ayna ant de cette compréhension. فترك التلبيس. أن faire croire أن ces jeunes, ils se précipitent, ils ont une compréhension, personne n'a compris comme eux. نحن, on va te citer des choses مجمع عليها بين أهل العلم. L'unanimité des savants. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Celui qui délaisse la voie de Ha'oula, Al-A'imma, la voie de Ahlul Iman, c'est un bab d'égarement. Et c'est une route pour Jahannam, Fattaqillah. قال ابن جرير رحمة الله عليه حتى يؤمن بالله وحده ويتبرأ من ويتبرأ قال نعم ما سوى وأظهر لهم العداوة والبغضاء وأظهر لهم العداوة والبغضاء. ابن جرير il te montre فكذلك أنتم أيها المؤمنون vous aussi mes frères في الله. Il montre ابن جرير vous aussi mes frères في الله, vous devez être comme Ibrahim et ceux qui l'ont suivi, et parmi ces choses وَأَظْهَرُوا لَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Clairement, أَنَّكَ tu les aimes pas et tu les détestes. Comme ils te détestent. Et eux nous détestent بِبَاطِلٍ, نحن les détestent بِحَقٍ. قَدْ يَقُلْ قَائِلٍ mais ce frère, il a beaucoup d'auditeurs, خَاسَةً il lui met des pressions, il ne peut pas citer certaines choses, ça peut lui faire du mal. Tu peux ne pas citer certaines choses. لكن qui c'est qui t'a dit de citer du باطل? Non, tu ne peux pas dire ces choses. Ne les dis pas. Lakin, dire l'inverse et critiquer ceux qui peuvent, ceux qui font, c'est pas minat tawfiq, abadan. Qala Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, fi tafsiri, ya'ni, ay, le verset qu'on a cité, min surat al-Mumtahina, wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda. Qala Ibn Kathir, ya'ni, wa qad shuri'at al-adawatu wal-baghda min al-an baynana wa baynakum ma dumtum ala kufrikum. فنحن ابدا نتبرأ منكم ونبغضكم. كلام ابن كثير رحمه الله عليه. اي ابدا on restera sur ça tant que vous êtes des kafara, on se désavoue de vous et on vous détestera. الان délaisse-moi cette haine envers les non-musulmans. On a كلام الله, on a كلام الائمه, et lis les tafsir, truc les paroles de un tel ou un tel, لانه هو كثيرا, on précise ان كثيرا. Il dit, certains, ils disent certains. C'est qui ces certains? Et si tu vises certains frères qui se sont trompés, la rahma que tu prétends toujours envers le kafara et envers le fasaqa, pourquoi t'as pas de la rahma pour ton frère? Il s'est trompé, si t'as du ilm, montre-lui. Amma huwa, il peut prendre l'erreur de wahid, de certains de nos frères, et il dit certains, certains. Nahnu l'an kalam l'a'imma baynana ayyuhal akh. Kalam wadih kitab wa sunna. Celui qui se trompe, il revient au haqq. وروى الامام ابو داود رحمه الله عليه عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب في الله وابغض في الله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. الحديث اللي صحيح. من احب في الله وابغض لله. Ça, ça montre quwwatu al-iman. Enfin, pourquoi tu veux qu'on la délaisse? Wa fi musnad al-imam Ahmad rahmatullah alayhi an al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna awthaq 'ura al-iman ay al-iman le plus solide an tuhibba fi Allah wa tubghida fi Allah. Hadha qawl nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Enfin, notre uswa, notre qudwa, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous démontre l'importance de aimer et de détester. Aimer al-mu'minin, détester, avoir la haine envers le kafar. Kadhalik, une autre uswa, Ibrahim alayhi salam, un autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite, yaqul wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghda. C'est ça le haqq, nas Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Wa an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qal, من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله أي les hauts degrés, celui que c'est un wali لله سبحانه وتعالى, أي الله سبحانه وتعالى il l'aime, il le rapproche, il le guide, il le secourt. C'est quoi la cause pour devenir un wali لله سبحانه وتعالى? من أحب في الله وأبغض في الله. فلا تخف وما يتق الله يجعل له مخرجا. لا تخف les pressions, oh ils vont faire, oh ils ont dit. لا تخف. Si t'es un wali لله سبحانه وتعالى فالأمر إلى لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فقوله soyez ouvert, il le répète souvent, pourquoi tant de haine, ou la tolérance, tout ça, est-ce que c'est compatible avec Al-Kitab? Est-ce que c'est compatible avec les hadiths qu'on a cités? Est-ce que c'est compatible avec Nahj al-Sahaba, la voix de Sahaba? On laisse à l'auditeur la réponse. Wa qala hadahu Allah dans une autre imma muhadara, imma khutbah. L'islam, c'est aussi être intégré et être sociable. Qala, qui n'a pas de problème à se mélanger avec les gens, peu importe la croyance d'un tel qui est en face de toi. Et il montre l'un, elle n'a se mélanger avec les gens, c'est pas, tu regardes pas la croyance, peu importe la croyance qui est en face de toi. Qala, le musulman reste sociable. Andora la kalima. Définis-nous, ça veut dire quoi, sociable? Est-ce que ça veut dire aimer les koufars? Est-ce que ça veut dire les respecter? Est-ce que ça veut dire être calme, avoir un bon comportement? C'est un kalam mujmal. Wa kama bayyana ahlul ilm. Et parmi ces imams, l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, en a beaucoup d'égarements qui se passent dans la communauté, c'est à cause de ce genre de kalam al-mujmal, sociable, ouvert. Mais al-muslim, walillahi alhamd, il a un comportement. Et si un de nos frères, il a un mauvais comportement, il se corrige, on le conseille. Elle m'a appelé toujours être sociable, être doux. Quand ces musulmans, ils viennent de Madrid, mais non, la juz al-tahqir, il a had al-had. Nous sommes des musulmans, wallahi alhamd, on a de la izza, on a de la fierté, on se corrige, on s'entraide. Non, le musulman reste sociable, c'est-à-dire, je ne crois pas en ce que tu crois et tu ne crois pas en ce que je crois. Il explique. Nous, on va se fixer sur elle. Je ne crois pas en ce que tu crois, tu ne crois pas en ce que je crois. Mais par contre, cela ne m'empêche pas du tout de te côtoyer, de t'apprécier, de t'aimer dans certains cas. Non, de t'aimer. Car, comme l'ont mentionné l'ulama, cela ne relève pas de l'alliance et les deux aveux comme certains le prétendent. Na'am. Kathir hadal kalam, il le cite. Certains le prétendent. Kun shuja'an. Démontre si quelqu'un a l'haq. Ou quelqu'un qui se trompe pour toi. Démontre un tel et se sont trompés. Et corrige. Et si t'as l'haq, ils font tawba. Amma, ce genre de prêcheurs, pourquoi ils se font du mal, ayyuhal ikhwan? Qillatul ilm. Pas beaucoup d'ilm. Et kadhalik. Ils veulent froisser personne. C'est pas ça le haq. Et wallahi, t'arriveras pas à propager le haq. T'es un da'i soi-disant. T'es un prêcheur. Tu veux faire le khayr. Sache que pour propager le haq, tu dois pas regarder le résultat, ce qu'ils vont dire les autres. Fi hadith ibn Abbas, radiyallahu anhu, anna nabiyan min al-anbiya ya'ti yawm al-qiyamah wa laysa ma'ahu ahad. Personne ne l'a suivi. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses, il a appelé au haq. Et les gens, ils n'ont pas accepté ce haq. Est-ce qu'il a regardé la contextualisation ou ce qu'ils pensent les gens? Ou il faut être ouvert. Al-haq, c'est le haq. Bil hikmah, avec la douceur, sans contredire les textes. Tumaqa, on ne peut pas aimer, ou qala na'am, comme certains prétendent, on ne peut pas aimer un non-musulman. Quelqu'un qui a la même croyance que toi. Je ne parle pas d'aimer sa croyance, l'aimer ou le détester en Allah. Je parle de l'aimer d'un amour naturel. Al-an khalt. Son kalam, il n'est pas wadih. Il y en a... Au début, il parle de choses am, min hayt l'umum. Et tu peux aimer un kafir d'un amour naturel. Thumma, il va citer l'exemple avec les parents. Thumma, il mélange. Al-haqiqa, le kalam, il n'est pas wadih. Nahnul an, on va prendre passage par passage. Hatta nandur, est-ce que ce kalam, il contredit al-haq amla. Qala al-imam, ibn al-qayyim, rahmatullah alayhi. وعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. الإمام القيم في النونية يدمنتر أن المسلم سرط الداعي إلى الله كي يكوتي يدوى parler بتفصيل وببيان واضح لأن une personne elle peut ne pas comprendre et ça peut pousser à du sort. فلهذا قال وقد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. أي c'est la cause, une des causes principales d'égarement, c'est que le kalam il est pas clair. Kalam mujmal. Et en général, comme on a dit, la cause c'est pour pas froisser un tel et un tel. فقوله, peu importe la croyance d'un tel qui est en face de toi, le musulman reste sociable, c'est-à-dire je ne crois pas ce que tu crois. et tu ne crois pas ce que je crois, mais par contre, cela ne t'empêche pas du tout de le côtoyer, de t'apprécier. هذا الكلام il est خطير. كأنه يشير إلى قول الله عز وجل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كأنه يشير إلى هذا أي vous avez votre دين ولا notre دين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو إقرارا على دينهم أبدا. Ibn al-Qayyim va te montrer que la barre des nas, ils ont compris de ce verset qu'annahu, ils ont leur dit, on a notre dit. Tu répliques pas, ils te répliquent pas. Tu le détestes pas, ils te détestent pas. Tu le respectes, ils te respectent. قال بل لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأشده عليه. Au début de la révélation, alors que c'était difficile, c'était le départ, ils étaient peu, le prophète sallam et ceux qui étaient avec lui. أصحابه عليه رضي الله عنهم قال ابن القيم وعلى أصحابه أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد. Alors qu'ils étaient في ضعف لكن ils n'ont jamais cessé, ils n'ont jamais arrêté de détester الكفر والكافرين. بل قال أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم et critiquer din al-mushrikin. Wa taqbihi. Al-taqbih, ça vient de quelque chose de qabih, quelque chose de mauvais, quelque chose de détestable. Fa rasul wa sahaba, c'était ça leur position par rapport à din al-mushrikin. Elle est où cette tolérance? Il est où ce respect? Bal huwa qal apprécier. Apprécier, c'est un kalam khatir. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi wa qad sa'aluhu أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه فأبى صلى الله عليه وسلم إلا مضيا على الإنكار بل كما جاء في بعض الأحاديث أنهم ils ont proposé au prophète صلى الله عليه وسلم de se taire, de ne pas les critiquer. Hey, exactement la ta'wa qu'on entend. Il faut se respecter, il faut être tolérant. Tu fais ton din, on fait le nôtre. النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais accepté. قال فأبى صلى الله عليه وسلم إلا مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم. Prophète صلى الله عليه وسلم il a continué, il a patienté de répliquer contre le kuffar ou le mushrikin et de العيب. العيب c'est de mal parler sur eux, sur leur dîn. هكذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. قال فكيف يقال أن الآية اقتضت تقريره لهم معاذ الله من هذا الزعم الباطل. يعني نحن on dit معاذ الله من هذا القول al-batil qu'il a cité هذا الأخ. Peu importe la croyance. قطر الحق. قطر الحق. لأن la croyance de اليهود والنصارى c'est une croyance خطيرة. طعن في رب العالمين. يا أخي si tu peux pas parler لا تتكلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الآن avec ce كلام t'as gagné quoi? Est-ce que et نحن on conseille ce frère avant de parler est-ce que ce كلام il satisfait Allah عز وجل? من كان يؤمن بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَصْمُتْ. Est-ce que ce kalam, c'est un kalam qui est sur la voie du prophète عليه الصلاة والسلام? Est-ce que ce kalam, il rend heureux المسلمين, المؤمنين, الصالحين? Rien de tout ça. Ce kalam, il va faire plaisir à qui? À اليهود والنصارى, الكفر. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. On te rappelle ce verset. Wallahi, tu peux leur verser, leur envoyer ce genre de paroles, لَيْلْ لَهَابْ. Ils ne seront pas satisfaits de toi tant que tu ne deviendras pas comme eux. فانتبه لدينك. Wallahi, nous, on veut ton bien. Wallahi, les Yahoud, les Nassar, les Kafara, ils ne veulent aucun cas ton bien. Et t'as goûté. هذا الأخ. Allah subhanahu wa ta'ala, أن يصلح حاله وحالنا. Ce n'est pas من باب الشماتة. لكن il a goûté معاملة الكفار et leur mensonge. فارجع إلى الله subhanahu wa ta'ala. حسبنا الله. ونعم الوكيل والله الكافر il peut rien te donner, il peut rien t'enlever. كذلك sa parole, je ne parle pas d'aimer sa croyance. يقول هكذا, je ne parle pas d'aimer sa croyance. Et il parle pas du coffre lui-même là. لكن on te rappelle le verset وبدا بينك بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. Et Ibrahim عليه السلام ومن كان معه, ils ont détesté الكفار et الكفر, les deux. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. فإذ doit pas aimer sa croyance كما قال, comme il a dit, لكن كذلك il doit pas l'aimer lui. Et نحن on ose dire كذلك le détester, avoir la haine envers lui, لأنه c'est un كافر. Allah subhanahu wa ta'ala كذلك هنا قال وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. نعم, ne pas les aimer et les détester كذلك. فقوله نعم, je ne parle pas d'aimer sa croyance, je parle de l'aimer d'un amour naturel. هذا الآن c'est un إطلاق. Après, va citer un exemple. لأن من باب الإنصاف, on doit tout citer نحن. Il a cité un exemple, أنه les parents ou la femme s'était marié avec من أهل الكتاب, comme c'est connu, avec certaines conditions. Comme il a dit, Houa. Kadhalik, les parents. Ça, c'est kalam haq, comme on va voir. Lakin al-an, si vous réfléchissez bien sur l'ordre des paroles, est-ce que c'est fait par ignorance, par précipitation? On le conseille de ne pas se précipiter. Ou c'est fait annahu, il a voulu cet ordre. Enfin, ça, c'est min bab at-talbis. Li'annahu qala, je parle de l'amour. D'un amour, je parle de l'aimer d'un amour naturel. Non, alors qu'il parlait des kuffar, umouman. Thumma, il a cité l'exemple. Thumma, il a cité l'exemple des parents. Au vahir, kalami, annahu, il vise tous les kafara. On a oudu billah. Et s'il vise par hada, fal yubayyin, il montre, annahu, c'est une erreur de sa part. Et même, l'ana qadiqul qa'il, donc si il dit l'amour naturel pour les proches, c'est bon. Là, et un tafsil muhim, il faut préciser هنا. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ce verset, قصه أبي طالب, quand il est mort, l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset إنك لا تهدي من أحببت. بعض العلماء, ils ont dit أحببت, أي le prophète صلى الله عليه وسلم il aimait son oncle Abu Talib. Et tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc, tu comprends que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait son oncle Abu Talib. Et ils ont dit, c'est une mahabba tabi'iyya. Non, ça, c'est wadih. Et il l'aimait d'un amour naturel. Il ne l'aimait pas pour son dîn, etc. Bien sûr. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa yajuz an yuhibbuhu mahabbata qaraba la yunafi hadha al mahabba shar'iyya. Non, ça ne contredit pas. Lianna un musulman, il aime Allah, il aime son messager, il aime l'islam, etc. Et il aime un proche d'un amour naturel, un père, une mère, un enfant, une femme. Ce n'est pas des musulmans. Cet amour, c'est un amour naturel. Il n'y a pas de contradiction jusque-là. قال وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت تبغضه شخصيا لكفره. Et c'est ça, as-sahih. Et c'est cette précision qui manque et qui fait que son kalam, il est fasid et il est khatir. Tu l'aimes d'un amour naturel, lakin il ne faut pas oublier qu'on le déteste quand même fillah à cause de son kufr. Donc on l'aime parce que c'est un proche, lakin le kufr qu'il a et son désaveu contre l'islam et le muslimin, etc., pour rapport à ça, on le déteste. Enfin, vous avez remarqué son kalam comme il est ba'i, il y a un ijmal, il n'est pas clair, et en même temps avec les exemples t'as du mal à te situer. Kadhalik قول الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, il a démontré anna tu dois détester, ne pas aimer un kafir même si c'est un proche. Et ça nous montre une faïda azima. Et je conseille à moi-même ainsi qu'aux frères de faire des efforts fi hada, ne pas se précipiter quand tu as un verset ou un hadith et tu bases ton jugement sur ce seul verset. Comme il a fait hada al-akh. Il prend certaines choses et toujours il faut être ouvert, la miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et il cite هذا. Et il cite les versets qu'il veut ou qui correspondent à son fikr, à son mu'taqad. فَنَحْنُ, on fait attention. On a un verset là, Allah subhanahu wa ta'ala يقول إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْ. Donc on retire de ce verset, l'amour naturel, c'est permis, ça ne contredit pas le fait de le détester, etc. On a un deuxième verset qui est important dans notre mas'ala. قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Tu ne trouveras jamais un mu'min qui croit Allah subhanahu wa ta'ala et croit يوم القيامة aimer un kafir عدو من أعداء الله. Jamais هذا. قال عز وجل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Que ça soit un père, un parent, ou un enfant, ou de sa tribu, ou son frère, sa sœur, jamais. هكذا شأن أهل الإيمان. والإمام القرافي رحمة الله عليه المالكي هذا الأخ souvent il prétend suivre madhhab l'imam Malik et sa vision ou sa conception, son analyse des textes, elles ont changé. Il est revenu à madhhab l'imam Malik. On te conseille de lire Kalam al-Imam al-Qarafi rahmatullah alayhi al-Maliki dans son livre Al-Furuq. Et il explique cette mas'ala. Peut-être que tu ouvriras les yeux. On a Allah subhanahu wa ta'ala al-Hidayah lil-Jamia. Il explique son kitab, c'est un kitab azim Al-Furuq. Al-Furuq, ça vient de l'Farq et les différences. Il t'explique comment rassembler les textes qui montrent que tu peux avoir un amour naturel, ou du respect, ou du ihsan, ou être juste, etc. avec les textes qui montrent qu'il faut les détester, etc. قال رحمة الله عليه أي par rapport au verset قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي الله سبحانه وتعالى il vous interdit pas, لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, أي de avoir du ihsan, antabarruhum wa tuqsitu ilayhim, ay albir wal ihsan, et être juste envers les kafirs qui ne vous ont pas fait de mal, ils ne vous ont pas chassé de chez vous, etc. Hadhihi al-aya. Ba'd an-nas ils comprennent min hadha anna la tolérance, tu peux les aimer, et ba'dhum ils vont très loin. Nahnu al-an on a ce verset et on a des autres. En tant que sahib haqq et en tant que talib ilm, tu n'as pas le droit de prendre un verset et de laisser l'autre. Tu dois prendre tous les versets et comprendre al-murad. Et ceci, tu ne pourras pas le faire sauf si tu reviens à Ahl al-Ilm. Fas'alu Ahl al-Dhikr in kuntum la ta'lamun. Wa min ahsan al-kutub fi hadha tafsir Adwa al-Bayan l'imam Shanqiti. Il rassemble et il explique les versets qui se contredisent. En apparence, il te montre al-Jam'a. Il n'y a pas de contradiction fi al-Kitab ou la fi al-Sunnah. Qala al-Imam al-Qirafi rahmatullah alayhi al-Maliki. Qala wa amma ma umira bihi min barrihim. ومن غير مودة من غير مودة باطنية فجميع ما نفعله معهم من ذلك فينبغي أن يكون من هذا القبيل. أي تمنتر أن les choses qu'on doit faire, أي être juste, être bon, avoir du ihsan envers les kuffars qui combattent pas de dire, tout ça bien sûr كما قال من غير مودة باطنية, bien sûr sans les aimer à l'intérieur. Et c'est ça الجمع. C'est que nous, quand on dit qu'il faut détester les koufars, ça ne veut pas dire se comporter avec un mauvais comportement. Là, surtout avec les proches, surtout avec ceux qui ont un haq, comme le voisinage, etc. Maintenant, on ne dit pas qu'il faut se comporter comme un sauvage. N'a'oudou billah. Là, lakin al-bord, il est dans le cœur. Exactement comme eux, ils font. Tu crois que le kafir, il t'aime? Hayat, qu'il t'aime le kafir. Wallah, il te détête. Lakin, il essaye d'avoir un bon comportement, etc. N'a'oudou. Eux ils le font min bab an-nifaq. Nous on le fait pas min bab an-nifaq. On a des adillah. On a un bon comportement et au fond de nous on les déteste et on leur fait pas confiance. Abadan. Falihada qala al-Imam al-Qarafi rahmatullah alayh, fa jami' ma naf'aluhu ma'ahum min dhalik yanbaghi an yakun min hadha al-qabil. Ay bien sûr avec le du'a, faire du'a pour le hidayah, le conseil, etc. Avoir un bon comportement, c'est min bab at-ta'wa. Qala la 'ala wajh al-'izza wal-jalala minna wa la 'ala wajh at-ta'dhim lahum. Bien sûr, pas en se rabaissant, pas en les élevant. On les respecte qu'annahum ils sont à la chaîne. Abatan. Bon comportement, c'est l'Illahi subhanahu wa ta'ala et c'est min bab al-da'wa. Qala wa yanbaghi lana an nastahdhir fi qulubina ma jubilu alayhi min bughdina wa takdhib nabiyina sallallahu alayhi wa sallam. Et il donne un conseil, ce imam min al-malikiyya rahmatullah alayhi. Et nous, on cite min al-malikiyya, laïs un bœuf ta'assoub. Lakin, vu qu'on rode à ce frère qui prétend suivre al-malikiyya, la'alla, c'est un déclic et au moins il essaye de chercher le haqq. Na'am. Faqala, on n'oublie pas, avec le bien qu'on leur fait, le bon comportement qu'on a, même si eux nous font du bien kadali, on n'oublie pas la haine qu'ils ont dans leur cœur envers l'islam, envers les muslimines. Kadalik, ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est un manque de respect. Et c'est du coufre de leur part. Tout ça, on n'accepte pas et on ne l'oublie pas. أما هذا أصلحه الله dans un audio بصراحة. Il parle de respecter la minute de silence et min hadha al-kalam. La minute de silence, et quand il y a eu les attentats. Ya akhi, nous on est contre les attentats. Amma faire une minute de silence. Et l'affaire, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont moqués, etc. Abadan, on n'accepte pas ce qui a été fait. Amma la minute de silence. Abadan. Abadan. Et si un musulman il faiblit, il l'a fait par peur, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yahdi. Amma da'i ila Allah, il appelle à hada. نعوذ بالله قبل التوحيد قبل التمسك بالحق قبل délaisser ces endroits où il y a les minutes de silence, école, bilad de kufr, etc. Dans un bilad musulman t'as passé des inconvénients. نعوذ بالله من الانحراف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في الفتح البر والصله والاحسان لا يستلزم التحابب والتوادد. فهذا الامام امام كبير في العلم Hafid ibn Hajar, et son livre Fath al-Bari, il montre le rang et la place de cet imam fi qulub al-muslimin. Il yaqul al-birr was-sila wal-ihsan, être bon, ou avoir des liens de parenté. As-sila, maintenant c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, ce kafir. Qala wal-ihsan, n'am, être bienfaisant, kadhalik, que ce soit ton voisin, que ce soit autre, ceux qui ne combattent pas l'islam, bien sûr. Qala la yastalzim al-tahabub, ça ne veut pas dire que tu les aimes. Mais il n'a pas dit de les aimer, il a dit de ne pas les détester. Même s'il y a cette chose, un bon comportement, etc., le fait de les détester et de se désavouer, c'est comme dans l'aïa. Abadan, hatta tu'minu billahi wahda. Naam, et l'imam, al-Shanqiti, rahmatullah alayhi, il a un kalam tayyib fi Adwa al-Bayan, il détaille et il explique ce qu'on a cité. والحافظ ابن حجر كذلك يسابيه سور لو فيرسيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله قال فانها عامه في حق من قاتل ومن لم يقاتل. Ce verset, il est descendu. On ne doit pas aimer le kuffar, que ce soit des kuffars qui combattent l'islam, amla. Tant que c'est un kafir, on doit le détester. هذا c'est مهم. Et نحن, on reprécise أن cette haine et le fait qu'on déteste les kuffars, ça ne veut pas dire qu'on appuie les attentats. N'a'oudou billah. Ça, c'est min al-jahl ou min al-dhalal. Ça ne veut pas dire qu'on appuie ces groupes. Là, Daesh, c'est des dhalal. Mujrimoun. Ils font beaucoup de mal. Ils font beaucoup, beaucoup de mal. Nasallah subhanahu wa ta'ala, yakfina sharrahum. Lakin, ça ne veut pas dire que si on est contre eux, ça veut dire qu'on est avec al-kuffar. Là, on n'est ni là ni là. On n'est pas d'accord avec Daesh, c'est des mujrimoun. Et on n'est pas d'accord avec le kuffar, c'est des kafar. Et le bon comportement, al-da'wa, le conseil. Lakin, dans notre cœur, on les déteste. Hatta yu'minu billahi wahda. Et c'est ça que Al-Qur'an, la science qui est fait le Qur'an, le Karim, et fait sunnat Nabiyina Muhammad alayhi sallam dans ce sujet. Kadhalik, il a propagé, aslahahullah, annahu, le 26 septembre 2015, il a rencontré des prêtres. Fakataba, et il a mis une photo en compagnie du père Claude et du père Fabrice lors du repas de l'Eid dans la ville de Brest, le 26 septembre 2015, rencontre enrichissante, pleine de tolérance et de respect des divergences. Ça nous montre ce mouqif et ce repas et ce khayr, entre guillemets, qu'il a soi-disant rencontré, c'est le fruit de sa nouvelle da'wa. Au début, il l'a dit et il l'a appliqué. Rencontre enrichissante. Elle est enrichissante si tu les appelles à l'islam et ils se convertissent. Amma, t'as gagné quoi ? Pleine de tolérance et de respect des divergences. Alors, si on se pose la question, c'est quoi la divergence qu'on a avec Père Claude, Père Fabrice et Nassara ? C'est quoi la divergence qu'on a avec eux ? Qala Azza wa Jal, fi kitabihi al-azim, ya ahl al-kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batil, wa takfuruna wa taktumuna al-haqq, wa antum ta'lamun. C'est ça la divergence qu'on a avec eux. Annahum, c'est des mulabbisoun, ils labbissent al-haqq bil-batil. Et ils combattent le haq et ils propagent le batil. قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. C'est ça la divergence qu'on a avec eux. أنهم ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala ثالث ثلاثة, la Trinité. ويعبدون عيسى. فالآن son كلام respect des divergences, on va respecter هذا الكفر. قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. هذا normalement la croyance de Nasara, nous la détestons du plus profond de nous-mêmes. Les Anahoum, ils sont à la charge. Les Anahoum, ils ont ils ont osé dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a un enfant. Les Al-Nawm, ils n'ont pas cru en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Belle, toutes les moqueries qu'il y a sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est appuyé avec la tolérance, avec le respect, etc. On va se être fier de ce genre de rencontre pleine de tolérance et de respect. Wallahi, c'est une rencontre pleine de dhalal et d'inhiraf. Et wallahi, nakhaf ala hadha al-akh. Wallahi, nakhaf, s'il ne se remet pas en question. Léanna, vous avez remarqué que nous, dans l'intiqadat, dans les répliques, les reproches qu'on fasse, on ne va pas parler comme il prétend du vêtement en dessous des chevilles, de la barbe, mettre le pantalon. Et Inch'Allah, dans d'autres cours qui suivront celui-là, on traitera ce sujet. Nous, on te parle de choses qui sont plus graves. Des choses mutalliqa bi al-iman, bil-wala, bil-wara, bil-bara, bil-tawhid. Léanna, il veut faire croire à... Il y a des personnes, ils sont durs, ils me reprochent que j'ai mis un pantalon alors que tel shir, il a dit. C'est un autre sujet, hada. Nahnu, on te reproche awwalan hada. Wallahi, si tu mets le qamis et tu touches pas à ta barbe, et en apparence, tu fais tout ce que la sunna le demande, et tu as ce mu'taqad plein de tolérance et de respect envers ha'oula al-kafara, wallahi, nakhsha alayk, wa nakhaf alayk. Qala azza wa jal, waddu law takfurun, kama kafaru, fatakununa sawa. Anta, ton but, c'était rencontre enrichissante, pleine de tolérance. I'lam anna, le but des kafara, c'est que tu deviennes comme eux. C'est pour ça qu'ils se sont assis avec toi. Un da'i tabit, mustaqim, aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui propage sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, abadan yubriduna, il le déteste. Entendez, ce rapprochement d'un, hatta ba'd du'at al-dhalal, kama sami'na, mitla dhak al الزائر طريق رمضان طريق رمضان حتى هو il a parlé, il a dit ان رشيد ابو حذيفه انه سان بيرسون انتيليجنت ما ادري التقى به ام il a entendu ses dourous قال c'est une personne intelligente انه il fait des efforts pour changer من هذا الكلام انتبه ce rapprochement délaisse pas tes frères اهل السنه اهل الحق alors que هذا الاخ الظاهر c'est qu'il respectait الائمه كالامام ابن باز والامام الالباني المتقدمين etc. Enfin, ne délaisse pas هذا الحق. Tout ça sous prétexte un tel frère il a fait. Ittaqillah fi nafsik. Qala aw rahimallah al-imam Ahmad ibn Hanbal kana idha nadara ila nasrani aghmada 'aynayhi. Al-an on vous cite cet exemple de cet imam min al-a'imma al-kibar, al-imam Ahmad. Quand il voyait un nasrani, fermait les yeux. Ils l'ont demandé pourquoi. فقال رحمه الله لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. Il a dit, je peux pas regarder ce nasrani. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti sur Allah et iftara, na'am. Ils ont inventé des mensonges. Isa c'est le fils d'Allah, Allah c'est le troisième, etc. موقف الإمام أحمد. موقف, une personne, il sait la valeur de l'ilm. Il a fait des efforts. Son qalb, il est propre. ولله الحمد. Il voit. Il arrive à comprendre. Ma rencontre enrichissante, pleine de tolérance et de respect. Ya akhi, si dans ton cœur, biyaqin, annahum c'est des kafara, annallah subhanahu wa ta'ala, il les déteste, l'u'ina alladhina kafaru min bani Israël. Fakif, tu peux dire ce mot. Wallahi, la wahed, il aurait fait du mal à ton père, ou à ta mère, ou à ta soeur, ou à un proche, ou à toi-même, t'aurais jamais dit hein. T'aurais pas pu dire c'est une rencontre enrichissante, pleine de tolérance. Là, tu lui aurais demandé de faire tawbah, tu l'aurais conseillé. Falimad. Alimad, tu t'assois avec Haoula, fais taouba. Et nous, on ne te conseille pas de t'asseoir, les Anna, t'as des chouba. Anta, tu dois faire taouba, t'as ta'allam, et tu délaisses hada sha'n, les ahl al-ilm, ou ahl al-haq. Ou l'imam al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, al-Maliki, min a'immat al-Malikiyya, min a'immat al-ilm, qala, istadalla Malik, rahmatullah alayhi, min hadi l'aya, al-imam Malik ibn Anas. Fa anta, soi-disant, tu suis maintenant madhab l'imam Malik, est-ce que tu le suis fil fiqh faqat? Si tu le suis fil fiqh faqat, on te dit suis sunnat al-Nabi alayhi salatu wa sallam. Et l'imam Malik c'est un imam kabir. Tu t'aides avec ses aqwal. Et si le haqq il est avec madhab l'imam Malik, tu le suis. Ou illa tu suis le haqq. Et nous on te pose la question, est-ce que tu le suis fil aqidah? Enfin, si tu le suis, ta'ammal ma'i. Istadalla Malik rahmatullah alayhi min hadhi al-aya la tajidu qawman ala mu'adat al-qadariyya wa tark mujalasatihim. La tajidu qawman. Le verset qu'on a cité plusieurs fois, l'imam Malik il le prenait comme dalil de détester le qadariyya. Pourtant ils se disent musulmans. Naam, et il y a un tafsil fi kufrihim que les ulama ils font fi al-qadariyya. Certains c'est des kuffar al-qadariyya, ceux qui renient l'ilm, Et d'autres, c'est des musulmans. Dulla. قال على معاداة القدرية والترك مجالسته. Imam Malik. أنه, avec ce verset, il disait délaisser القدرية. Et il détestait Allah, Azza wa Jal. Que dire de Père Claude et Père Fabrice et Al-Nasara? قال à l'imam al-Qurtubi, قال أشهب عن مالك. أشهب عن مالك. Tout ça, c'est أقوال المالكية. لا تجلس أو لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله تعالى لا تجد قوما. Et ne t'assois pas avec les qadariyah. Par rapport à ce verset, قَالَ l'imam al-Qurtubi وَفِي مَعْنَا أَهْلِ الْقَدْرِ جَمِيعَ أَهْلِ الظُّلْمُ وَالْعُدْوَانِ. L'imam al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, démontre quand l'imam Malik il a dit ne t'assois pas avec أهل القدر, ça, bien sûr, tu comprends que même les autres catégories de أهل الشر وَعَلَى رَأْسِهِمْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالْخَوَارِجِ وَالْجَهْمِيَّ وَالرَّوَافِدِ etc. فأين موقفك الآن؟ سكوا موقف برابور هذا والله المستعان. وقال الإمام مالك كذلك أن أخ أثر قال الدنو من أهل الباطل هلكة. Se rapprocher de أهل الباطل هلكة. C'est une cause qui peut, tu peux périr à cause de cette chose. Se rapprocher. فاحذر احذر أخي. والله أن ceux qui font des répliques sur toi, ils veulent ton bien. Ils veulent ton bien. Ne crois pas qu'on est jaloux. Beaucoup de monde te suit. Ou t'es connu. Ça, c'est pas un mizan pour le haq. Et on a cité Hadith ibn Abbas. Un nabi. Yom Qiyama, personne ne le suit. Fattakillah. Kadalik, écoute les conseils de Ahl al-Ilm et les conseils de tes frères. Talabat al-Ilm. Naam. Si c'est faux, si c'est pas juste, personne ne dit qu'il faut suivre al-Batil. Si c'est haq, c'est haq. Mais tes suiveurs, ils t'ont élevé un rang qui n'est pas le tien. Farubama, il t'encourage, etc. Et ce n'est pas fi moslahatik. Hada alladhi aradna. La tolérance, c'est suivre le haq. La tolérance, c'est aimer ses frères musulmans. La tolérance, c'est faire des efforts et patienter sur ses frères. S'il se trompe, tu l'aides, tu lui montres. Hada. Amma se rapprocher de A'da'ullah, se rapprocher de Al-Kafara. Al-Mujrimin, et tout ça sous prétexte de comprendre les textes avec la contextualisation, etc. Fahada, ça ne fait pas partie de manhaj al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Fahada, alladhi aradna, et fil-haqiqa, baqi, on voulait faire en un ou deux durus, lakin ma l'waqt dhahab. Inch'Allah ta'ala, on essaiera de finir dans quelques jours. Dans quelques jours, de citer d'autres choses. Mimbab al-Nasiha. Et nous, on répète, le but, nous, celui qui accepte, alhamdulillah, dhalika fadlullah alayhi. Et celui qui n'accepte pas, nous, c'est mimbab bara'at al-dhimma. Hada. Si on sait une chose, on est obligé de la montrer. Inch'Allah, dans des prochains cours, on essaiera de continuer. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa sadat. وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله